Salut, moi c'est Valérie. Alors, tous les matins, je me lève à 7h et je me douche. Ensuite, je m'habille, je fais mon lit et je prends mon petit déjeuner avec ma sœur. Ah, et après, je me lave les dents. À 12h30, je déjeune au self avec mes copines. L'après-midi, je goûte à 5h. Ensuite, je fais mes devoirs et je range ma chambre. Le soir, je dîne avec mes parents et ma sœur. Je fais la vaisselle et je me couche. Non, je me lave les dents et je me couche.